autres gens de guerre. Parle aux femmes, car d'honneur, nous venus dans cette ville, je ne sais où donner du cœur. Guidez-moi, car je fais figure d'imbécile. Vous voulez rire, un tel vainqueur? Oui, sans forfanterie. J'ai la pratique et j'ai la théorie. Maintenant, parlez, quoi de sortable ici, car pâle semble, blondes ou brunes, je veux avant 8 jours mourir pour quelques-unes de ma gêne, prenez. La présidente est tendre et sa taille est bien prise, mais elle la laisse un peu trop prendre. Fi donc. D'intérêt, la baillie est assez remplie, mais on affirme qu'en amour, elle n'a pas de répartie. Toi, il reste encore la sénéchale, elle a le teint vermeil, mais des yeux dont il a sa queue et son appel. Un louchon, mort diable, la peste. Ma destinée en ce séjour m'apparaît sous un sombre jour. Je ne vois plus rien. Plus rien que chaque ligne de mine. Impossible! Impossible, voilà qui me plaît fort. Oh, c'est que celle-là n'est pas de la même farine. C'est la perle sans tache, à merveille. Et que dit-on d'elle? On ne dit rien. Bon, la taille. Oh, souple comme on dit, de grands yeux clairs, couleur d'aventure, et coquette. J'en jurerais, elle a parfois des regards en sourdine, et certains plis de la narine qui prend mes boutons. Parfait, mais avec cela des airs de béquille, un front de pudeur revêtu, bref, qu'on n'ose pas. Chaque ligne et le mari. Oh, fort considéré, très jaloux. C'est maître André. Le notaire. Oui. Jacqueline. C'est un morceau de roi. C'est un morceau pour moi. Voilà que l'on sort de la messe. Fuyons sous ces bosquets, messieurs. Ce petit val n'est pas de ceux dont on se désintéresse.